pas moi qui tiens les murs, c'est les murs ils me tiennent. Ici les stars tombent comme les stars et les petites chaînes. Fais ou ferme ta gueule, les bras ouverts, cercueil, commissaire d'accueil. Je peux plus perdre mon temps, chaque jour cherche mon pif. Dans ma tête, on dirait Tchernobyl, gère mon pif, équipé comme une descente. T'en fais pas coup, garde la paix, je fais mon parcours. L'œil furtif comme un SS au carrefour, en guerre comme au Darfour. Je nique tout et je me parcours. Profond, soit tu la mets, soit tu la prends, les jeunes s'enculent de partout. On dirait le monde, c'est une grosse partout.